Je suis sans domicile fixe. Je ne sais rien de qui vous êtes. Je ne sais rien de moi non plus. Sur la terre, un marin perdu, bateau brisé dans la tempête. Peut-être ai-je aimé l'égété. Je dois bien avoir une histoire et connu quelques jours de gloire lorsque j'avais mes facultés. Mais je n'ai peut-être rien fait. En attendant que ça se passe, la tortue dans sa carapace n'a comme moi jamais piaffé. Le ciel m'est tombé sur la tête en me laissant quelques séquelles. Le souffle court et je ne sais quelle voix qui fait rimer ses sornettes. Et je n'ai plus rien reconnu des ombres pâles de loup.